quitter le live, pas la mission. Je roule encore même hors connexion. Ma gratte tape, mes mots rebondissent et chante vos cœurs. Même quand tout s'efface, y'a plus de bruit, mais pas de vide. Je vois vos pseudos quand la nuit décide de me laisser seul dans mes accords. Mais je gratte toujours plus fort. We're still riding together through the fade, not for likes, not for fame. We stayed heart stone leg when the lights go black. We kept the line, no looking back. C'était pas un show, c'était réel. Quand je lisais vos noms, j'avais l'essentiel. Je parlais vrai, je transpirais brut. Et vous étiez là fidèle, même quand je suis dans le doute. Ride a skill, c'est pas une pause, c'est des nuits longues sans pause. Mais je garde la vibe comme une flamme. Et chaque refrain ramène à l'âme.